Cottage, de Jean Richepin. Non, il n'y a pas à dire. J'ai beau ne pas les aimer, ces sacrés Anglais sont quand même un peuple extraordinaire. Ce n'est pas du tout, comme on pourrait le croire, à propos de la guerre, que Lucien d'Amblaise s'exclamait de la sorte in petto. C'est à propos d'une annonce de location qu'il venait de lire, en parcourant machinalement, seul au cercle, la 14e page d'un journal londonien. Il y avait de quoi s'exclamer de la sorte, on va le voir. L'annonce, en effet, après avoir minutieusement donné tous les renseignements nécessaires à la location d'un certain cottage, ajoutait, en lettres grasses et tirant l'œil, « Endroit spécialement recommandé aux gentlemen garçons et riches que sollicite un irrésistible désir de suicide. » Lucien d'Amblaise n'était sollicité par aucun désir de ce genre. C'était un garçon de 30 ans, possesseur d'un beau patrimoine qui lui permet de vivre sans souci. Il n'a pas d'autre ennui, en effet, que de ne point s'ennuyer, et il ne s'ennuie point, se passant à peu près toutes ses fantaisies et n'en ayant pas d'extravagante. Parbleu, pensa-t-il, celle-ci n'a rien d'irréalisable. J'en aurai le cœur net. Je veux faire la connaissance de cet étrange propriétaire. Et le jour même, il prenait l'express Paris-Londres, grâce à quoi, moins de 24 heures après avoir lu la singulière annonce, il se trouvait à l'adresse indiquée pour la location du cottage, en présence de l'excentrique qui avait passé l'annonce, au gentleman garçon et riche, que sollicite un irrésistible désir de suicide. Cet excentrique n'était pas excentrique d'allure, au reste, pas le moins du monde. Mais il l'était d'autant plus qu'il ne l'était pas. Car on voyait tout de suite, à son costume spécial et à sa physionomie caractéristique, on voyait comme s'il l'avait affiché qu'il appartenait à la classe des clergymen. Or, si rien n'est plus banal en Angleterre qu'un clergymen, rien n'est plus en dehors de toutes les prévisions que de trouver, chez un clergymen précisément, une telle et à ce point cynique complaisance envers le suicide. C'est en effet avec son plus gracieux sourire que le clergyman avait répondu à la première ouverture de Lucien d'Amblaise touchant la location du cottage. « Pour vous suicider, n'est-ce pas, monsieur ?» « Oh, vous allez être pleinement satisfait, j'en suis sûr, en visitant l'installation. C'est une merveille, vous verrez. C'est le dernier mot du confort. J'entends du confort en tout ce qui a rapport au suicide, comme de juste. » Lucien fut si interloqué de ce ton aimable, dans une pareille occurrence, qu'il en balbutia des mots vagues, ou se trahit, quoiqu'il parlât anglais à la perfection, sa qualité d'étranger. « Ne seriez-vous pas français ? » Fit soudain le clergyman en se renfrognant. « Oui, oui, vous êtes français, j'en suis certain. Alors, agréez toutes mes excuses, et je ne puis vous louer le cottage. »« Pourquoi ?» interrogea Lucien. « Votre annonce recommande le cottage au gentleman garçon et riche, sans en préciser la nationalité. Je suis dans les conditions voulues pour être votre locataire. » Le clergyman se remit à sourire gracieusement et reprit. « En ce cas, monsieur, avez-vous les papiers nécessaires à authentifier votre double affirmation ?» de célibat et de richesse ?« Je les ferai venir dans les plus brefs délais possibles, » répliqua Lucien. « Ils vous prouveront que je suis parfaitement célibataire et que je possède une fortune en biens mobiliers et immobiliers de tout repos, me rapportant 45 000 francs de rente, autrement dit en chiffres anglais, 1 800 livres. Ce revenu ne vous paraît-il pas suffisant pour m'affirmer riche ?»« Si, si !» s'écria le clergyman avec un sourire épanoui, maintenant en extase. « Alors, » reprit Lucien, « en attendant mes papiers, faites-moi au moins visiter le cottage pour que je constate de mon côté la véracité de vos affirmations à vous. » Il dit cela d'un ton sérieux et presque fâché, qui en imposa au clergyman, et la visite au cottage eut lieu sur le champ. Le propriétaire n'avait pas exagéré. C'était en effet une merveille et le dernier mot du confort en tout ce qui a rapport au suicide. Devant la maison dormait un étang propice à la noyade. Un autre genre de noyade s'offrait dans une salle de bain à la baignoire suggestivement profonde. Au mur du salon s'étalaient en panoplie des armes variées, poignards, yatagans, chrismalets, d'une fourbissure impeccable, revolvers des marques les plus célèbres. Une petite armoire de la salle à manger renfermait une rangée de fioles dont les étiquettes menaçantes annonçaient une rare collection de poisons. Un fumoir calfeutré, exclusivement meublé d'un divan et d'un brasero, semblait tout préparé pour l'asphyxie. En guise de ciel de lit, dans la chambre à coucher, il y avait au plafond un énorme crochet de fer n'attendons que la corde pour s'y pendre. Vous aviez raison, monsieur, fit Lucien. Je suis pleinement satisfait de l'installation. C'est admirable, je loue. Oh, n'allons pas si vite, répliqua le clergyman. Il faut d'abord que j'aie visité vos références, comme vous avez visité mon cottage, et il faut que vous connaissiez aussi nos conditions, qui peut-être... Je les accepte les yeux fermés, interrompit Lucien. Il dut néanmoins en être instruit, et ma foi ne les trouva pas trop durs. Le prix, fort élevé c'est vrai, mais très explicable en une si anormale occasion, se payait d'avance et restait acquis au propriétaire si dans le délai de 8 jours après le premier mois, le locataire ne s'était pas suicidé. Le locataire s'engageait en outre pendant ce premier mois à ne faire aucune tentative de suicide et à se laisser vivre d'une vie complètement régie par le clergyman. En cas de suicide, la location était annulée et le cottage redevenait à la disposition du propriétaire. « Je vois ce que c'est, » pensa Lucien. « Ce clergyman est à la fois un clergyman excellent et un excellent homme d'affaires. Il fait ce qu'il peut, pendant un mois, pour vous détourner du suicide par ses prêches. Son devoir envers Dieu une fois rempli de la sorte, il a mis sa conscience en paix. Et finalement, qu'on se suicide ou non, le bonhomme y a toujours son bénéfice. Épatant, ces Anglais !» Bien plus épatant encore, que ne le pensait Lucien d'Amblaise, on va le voir, et il le vit bientôt lui-même. 8 jours plus tard, en effet, muni des papiers et références authentifiant sa fortune et sa qualité de célibataire, il était de retour chez le clergyman, payé d'avance le prix convenu pour la location, et s'installait dans le cottage, bien résolu à pousser l'expérience jusqu'au bout, sans y comprendre le suicide, cela va de soi, mais en laissant, et surtout en faisant bavarder le singulier clergyman. Car il devait avoir des souvenirs curieux, n'est-ce pas? Un propriétaire de cet acabit sur ses locataires précédents. Et Lucien s'en promettait un vrai régal. Il fut très surpris d'abord, en s'installant, de trouver le cottage peuplé de 4 petites servantes fort jolies, dont la plus âgée n'avait pas 25 ans, et que le clergyman lui présenta de la sorte. « Ce sont les préposés aux diverses formes de suicide, monsieur. Celle-ci fourbit les armes et charge les revolvers. Celle-là s'occupe de la salle de bain et du fumoir. En voici une à qui incombe l'entretien de l'armoire au poison. Et la dernière porte en guise de ceinture, vous le voyez, une cordelière qui ne demande qu'à devenir cordre pour se pendre. C'est tout à fait charmant, répondit Lucien. Mais si une telle prévenance l'avait surpris, il fut plus surpris encore le soir, à table, à la table de famille où l'avait invité le clergyman, de trouver assises les 4 petites servantes et d'entendre le clergyman lui dire, avec son sourire le plus gracieux, « Ce sont 4 de mes filles. » Lucien sursauta sur sa chaise. Un éclair d'intelligence venait de lui traverser brusquement l'esprit. Il demanda, anxieux, « Est-ce que vous en avez encore d'autres, monsieur ?» Les jolies petites filles faisaient des bouches en fraises et lançaient des œillades pâmées. Celle à la cordelière risquait même un furtif baiser envoyé au vol. Et Lucien eut la vision nette de ce qu'il attendait, de ce qui était arrivé à ses prédécesseurs dans la location du cottage. L'aguichage des jolies petites servantes, le monsieur enjôlé, la miss compromise, le procès en perspective, le mariage. D'un bond, il se leva, tandis que le clergyman murmurait, atterré. « Je m'en doutais qu'avec un Français, il n'y avait rien à faire. » Mais Lucien n'eut pas même l'idée de lui répondre, ni de triompher en avouant sa clairvoyance, ni de rien du tout, sinon de fuir, car il se sentait déjà un peu pincé par la petite à la cordelière. Et il se contenta de se sauver éperdument, sans manifester quoi que ce fût, et se répétant seulement in petto. « Non, il n'y a pas à dire. J'ai beau ne pas les aimer, ces sacrés Anglais sont quand même un peuple extraordinaire. » Fin de Cottage de Jean Richepin, lu par Isad en 2022.